Chapitre 11e. Monsieur de Mussidan avait été tout d'abord suffoqué par cette invitation. Ce comédien en prenait vraiment à son aise avec lui. Mais le mot à faire était en fin de compte celui qui avait surnagé. Une affaire à lui proposer, il n'était pas en situation de refuser une affaire d'où qu'elle vint. Il fallait voir. D'ailleurs, il fut satisfait des égards qu'Altaras lui témoigna en descendant l'escalier et en l'introduisant dans le café du théâtre, on lui rendait ce qui lui était dû. Il n'y avait que quelques personnes dans le café, des bourgeois qui lisaient les journaux, et à une table du fond, trois hommes. À leurs attitudes étudiées, à leur façon de parler et surtout d'écouter, on les reconnaissait tout de suite pour des comédiens. En voyant entrer Altaras, ils lui adressèrent un signe de main qui était un bonjour amical, mais celui-ci le leur rendit d'assez mauvaise grâce un homme qui n'était point flatté de cette rencontre. « D'anciens camarades, dit-il à mi-voix, de pauvres diables qui n'ont pas eu de chance et qui sont venus échouer à Montmartre. Extrême jeunesse ou extrême vieillesse, voilà ce qu'on rencontre ici. Ceux qui ne sont pas encore et ceux qui ne sont plus. C'est ainsi que Delafosse, qui a tenu les grands rôles dans les pièces de Victor Hugo à côté de Frédéric Lemaître et de Locroy, est venu finir à Montmartre. » Monsieur de Mussidan écoutait cette explication d'un air indifférent. Que lui importaient les comédiens qui ne sont pas encore ou ceux qui ne sont plus? D'ailleurs, ce n'était pas là un sujet qui pouvait lui être agréable, les vieilles gloires qui viennent s'éteindre à Montmartre. Heureusement, continua Altaras, on n'a pas toujours la mauvaise chance au théâtre. On a quelquefois la bonne de faire fortune, sans parler de la réputation, des applaudissements, de la gloire. Vous me direz qu'il faut pour cela le talent, et c'est parfaitement juste. Aussi, quand on a le talent, quand on est doué, il n'y a pas de plus belle carrière que la carrière dramatique, surtout pour les femmes qui arrivent jeunes, de sorte qu'elles ont la joie de pouvoir associer leurs parents à leur fortune. Justement, vous avez une enfant qui est douée. Positivement, elle m'a émerveillé. Ma fille sera une riche héritière, et elle porte un des plus beaux noms de France, dit Monsieur de Mussidan avec noblesse. Altaras salua en mettant sa main sur son cœur et avec une longue inclination de tête. Le nom, cela, c'est vrai, dit-il. Et il est à elle dès maintenant, et personne ne peut le lui enlever. Mais l'héritage, si vous me le permettez, je vous dirai mon opinion sur les héritages. On les attend toujours, ils n'arrivent jamais. » Il avait fait servir à chacun de ses invités un verre de vermouth. Il appela le garçon du ton dont on appelle le tavernier du diable dans la tour de Nesle. « Versez !» Et comme M. de Mussidan faisait mine de refuser, « Je vous prie, dit-il, on ne cause pas bien la langue humide. » Et ayant humecté la sienne, en prenant un temps comme s'il voulait que ce qu'il avait dit des héritages qu'on attend produisît tout son effet, il continua. « Certainement, je suis loin de prétendre que l'héritage dont vous parlez n'arrivera pas un jour. Seulement, quand ce jour se lèvera-t-il? C'est là la question. Demain, dans deux, dans cinq, dans 10 ans, personne ne peut le savoir. Non, l'avenir n'est à personne, sire, l'avenir est à Dieu. » 5 ans, 10 ans, c'est bien long, quand on attend. Aussi est-il sage, quelquefois, d'adoucir ce temps de l'attente, sans compter que c'est toujours prudent. Il fit une pause. Puis, jugeant que ce préambule était assez long, et que le moment de risquer sa proposition était venu, il la risqua. Que diriez-vous si je vous proposais un engagement avantageux pour votre fille? Ma fille? Beaucoup de talent? Ou ce qui est mieux encore, le don? Un avenir splendide, Rachel enfant. Ma fille comédienne? Mario était marquis, et cela ne l'a pas empêché, monsieur le comte, de se faire chanteur. Un Italien? Justement, en sa qualité d'Italien, il savait compter, et il a trouvé que 250 000 francs étaient bons à gagner. Il suffit, monsieur, toute parole que vous ajouteriez serait une injure. Altaras se tourna du côté de Sébastien et le regarda d'un air de reproche qu'il se comprenait facilement. Si c'est pour cela que vous m'avez amené, disait-il, ce n'était pas la peine de me déranger. Sébastien et Frédéric, qui n'avaient jusque-là ouvert la bouche que pour boire leur vermouth, comprirent que le moment était venu pour eux d'intervenir. D'ailleurs, maintenant que le premier mot avait été prononcé, cela leur était plus facile. « On n'entre pas au théâtre sous son nom, » dit Sébastien. « Une enfant passe inaperçue, » dit Frédéric. Monsieur de Mussidan, se renversant en arrière, laissa tomber un regard de haut sur ses fils. « De quoi vous mêlez-vous, je vous prie ?» Altaras jugea qu'il était de trop dans cette scène de famille, et que le mieux pour lui était maintenant d'aller serrer la main de ses camarades qui continuaient à taper leurs dominos sur le marbre de leur table. Il se leva. « Un mot à dire à l'un de mes camarades, vous permettez ?» Et il s'en alla sans se retourner, les laissant s'arranger comme il pourrait. Il avait grand désir d'engager cette petite, qui sûrement lui ferait honneur, mais il n'était pas d'humeur à endurer le rebuffade de ce vieux portrait de mes aïeux. Il était vraiment drôle avec ses mines de capitan, mais de loin. « Qui de vous a eu l'idée de cet engagement ?» demanda M. de Mussidan en examinant ses fils avec le regard sévère et scrutateur d'un juge d'instruction. « C'est moi, » dit Sébastien. « Ah, c'est vous, monsieur. Vous m'aviez entretenu de vos embarras d'argent, et n'ayant pas pu faire ce que vous me demandiez, je cherchais comment vous venir en aide. « Vraiment ?» dit M. de Mussidan en l'examinant avec une certaine surprise. « N'est-ce pas tout naturel ?» C'est alors que l'idée de faire engager Geneviève à la porte Saint-Martin m'est venue. Alteras m'avait parlé d'une pièce pour laquelle il fallait une petite fille très intelligente. J'ai pensé à Geneviève. Et à moi, monsieur, vous n'avez pas pensé à moi? Au contraire. À notre nom? J'ai pensé surtout à la fâcheuse situation dans laquelle vous vous trouvez. Cette pièce jouera au moins 300 fois, et je suis certain qu'en s'y prenant un peu adroitement, on obtiendra du directeur d'Alteras 20 francs par soirée. Peut-être plus même, 20 francs multipliés par 300, c'est 6000 francs. Ah ! Voilà mon calcul. J'ai cru que si cruel que fût pour vous cet engagement de Geneviève au théâtre, vous céderiez à la nécessité. En réalité, personne ne saurait son vrai nom, dit Frédéric. Ce ne serait pas vous qui la conduiriez au théâtre, continua Sébastien. Cela ne serait pas bien pénible pour elle. C'est-à-dire que ce serait un plaisir. Elle a besoin de distraction. Cela lui serait un bon exercice. N'est-il pas juste qu'un enfant travaille pour ses parents? Moi, si je pouvais vous être utile, je ne laisserais pas ce plaisir à la petite sœur. D'ailleurs, il n'est pas du tout prouvé qu'elle ira jusqu'au bout des 300 représentations. Ma tante peut mourir. En attendant, Geneviève vous sauve. Il se renvoyait ainsi la balle sans lui laisser toucher terre. Vivement la réplique du frère aîné s'enchaînait à celle du frère cadet. Jamais deux fils n'avaient montré pareille sollicitude pour leur père. Quel bon cœur! « Vous êtes de braves garçons, » dit M. de Mussidan. « Nous faisons ce que nous pouvons, regrettant seulement de ne pouvoir faire plus. » Sur ce mot, Sébastien se leva et alla chercher Alteras, qui restait les deux mains appuyées sur la table de ses camarades. Quand il vit venir Sébastien, il se redressa. « Compte sur moi, » dit-il à l'un des comédiens. « Je demanderai à Sardou de venir un de ces soirs, et quand il t'aura vu, sois sûr qu'il te prendra. » Puis s'adressant à Sébastien, « Où en sommes-nous » demanda-t-il. « Le plus dur est fait. Il n'y a plus qu'à l'amener à prononcer tout haut le « oui » qu'il a déjà dit tout bas. « Nous allons lui arracher cela sans douleur. Ne me parlez pas d'argent, insistez sur la gloire. »« Bon, je vais lui faire au père noble. » Et instantanément, il transforma sa physionomie et ses manières. La tête de trois quarts, le menton allongé, les bras arrondis, le pouce dans la poche de son gilet, et sur le visage l'air attendri. « Eh bien, monsieur le comte, » dit-il d'une voix mouillée, « j'espère que vous avez réfléchi. Malgré la répugnance que vous éprouvez à laisser cette charmante enfant entrer au théâtre, vous avez pesé la responsabilité que vous assumiez en empêchant l'éclosion de ce grand talent. Car douée comme elle est, ce sera un grand talent, un très grand talent. Et plus tard, quand elle aura acquis un nom glorieux, et qu'elle sera en âge de comprendre, soyez sûr qu'elle vous bénira pour les sacrifices que vous vous serez imposés. Il sera cruel. Cela est certain, mais il faut aimer ses enfants pour eux, non pour soi, hélas. Demain, j'aurai l'honneur de vous revoir pour discuter les conditions matérielles de cette affaire. »